J'aperçois le contrôleur à deux wagons de ma tête de train, l'air détruit, 10h du mat, il a déjà bu un verre de trop. Petite clope mais il peut pas me coller d'amende. Ici c'est moi le pilote, lui il va récolter l'argent. Suffit d'un sifflet, il prend la grosse tête. Il me regarde du coin de l'œil comme un pigeon pendant la pause déj. Pour le saluer, un faux sourire, allez c'est cadeau. Juste un sous-fifre, mets ton coup de sifflet et ciao. Oh, le chauffeur, laisse, c'est v'là le fantôme. Il me témalouche comme si j'étais manouche, place Vendôme. Ça me crache dans le dos, ça me fait même pas rager. J'ai fait mes classes dans le trône, là où les passagers ne sentaient pas l'encombre. C'est mon train de vue, c'est ma rame. Ils disent que je suis raciste quand je verbalise des arabes. J'aime pas les jeunes qui sont sapés en Gucci et Zara. Faudrait que je me pose la question, que je me remette en question. Mais je prends un whisky et ça va. Vu les crédits que j'ai, faut que je fasse mes quotas. Je suis dans le système comme un code-barre. Sous prétexte que d'intérim pète. Je vois mes rêves hérités, c'est trop tard. Si je pouvais presser replay, faire ce qui me plaît, je serais autre part. Dans les yeux de passagers, je vois pas l'amour de Michael pour ma collègue Culkin. Et y'a même pas de collègue que je kiffe. Y'en a comme ça, je le vois quand ça collecte le chiffre. Pas le courage de me barrer, j'attends qu'on me dise allez je te vire. Mise à l'amende, c'est dommage que t'es pas pillé. Mise à l'amende, je vais te demander tes papiers. J'ai l'impression qu'il y prend goût, c'est alarmant. Non, je fais pas ça par plaisir, je rembourse mon crédit à la banque. Mise à l'amende, c'est dommage que t'es pas pillé. Mise à l'amende, je vais te demander tes papiers. J'ai l'impression qu'il y prend goût, c'est alarmant. Non, je fais pas ça par plaisir, je rembourse mon crédit à la banque. J'atterris là par accident, depuis je déprime. Au départ, j'étais patient, patient. Gris. Mais à la longue c'est fatigant, cette vie de mépris. Je vois mes comparses et je deviens con par mimétisme. J'ai entendu autant de mythos que d'insultes. Autant de gros pipos qu'un juge. Ils se payent pas le billet, ils se payent un Doritos, un tuc. À l'arrivée c'est tourné de Morito, je vais te dire un truc. Ton billet va te coûter le quintuple. Pendant que je conduis, ils dressent des PV sans merci. Je pourrais pas faire ça, y'a pas de sommetier. En fait si, des gains horribles, il fait tourner la trésorerie. À lui c'est sûr, il volera pas sa paye aux riches. Si t'as pas de billet, ça y est il marche sur tes talons. Parmi ces gens assis, il se croit grand, il traverse les wagons. Ta galère fait son bonheur, où est son honneur? Faites les billets gratuits et payez plus les contrôleurs. En dehors du boulot, c'est juste un jeune alcoolique. Il a les joues bien rouges pour un agent qui joue la police. En cas de soucis, je gère mon train, j'ai mes repas. En cas de soucis, allô la brigade ferroviaire. Il en perceptif, trop d'amende, sa voix s'étouffe. Je me demande ce qu'il dit à ses gosses quand il décrit son taf. Quand je vois la scène, j'ai de la haine qui monte au cœur. Pour moi, le train est gratuit, mais j'ai horreur des contrôleurs. Mise à l'amende, c'est dommage que t'es pas pillé. Mise à l'amende, je vais te demander tes papiers. J'ai l'impression qu'il y prend goût, c'est alarmant. Non, je fais pas ça par plaisir, je rembourse mon crédit à la banque. Mise à l'amende, c'est dommage que t'es pas pillé. Mise à l'amende, je vais te demander tes papiers. J'ai l'impression qu'il y prend goût, c'est alarmant. Non, je fais pas ça par plaisir, je rembourse mon crédit à la banque.